Ajib an asalat al-atiya. Répond aux questions suivantes. Ça, inshallah, fi al-bayt. Wa thani kadhalik. Donc, ça kuna kala daiman. Al-awwal al-thani, daiman, huma fi al-bayt. Et le thani, c'est pareil, c'est corriger des phrases qui sont correctes, en mettant un trait devant, celles qui sont fausses, en mettant une croix. طيب ثالثا ضع في الأماكن الخالية فيما يلي الفعل ذهب وأسنده إلى الضمير المناسب. Donc il te dit de placer le fil ذهب dans les trous, dans les phrases qui sont exposées, et de mettre le ضمير qui correspond à la fin. أولا conjugue-moi le fil ذهب au ماضي. ذهبت. نعم. ذهبت. نعم. Dhabat. Comme l'aada, reste dans l'ordre du mukhatab. Dhabta, dhabti. Dhabti. Dhabta. Non, tu l'as déjà dit. Dhabta, dhabti, dhabat. Hum? Rich? Dhabat. Ça, c'est pas mukhatab, dhabat. Dhabta, dhabti, dhabat. Prends le roi maintenant. Donc, Moufrad. Dahabou. Moufrad. Dahaba. Dahabet. Souma Moukhatab Jam. Dahabtou. Nam. Dahabtouna. Nam. Dahabou. Dahabou. Dahabouna. La. Dahabna. Dahabna. Nam. Taïeb. Donc maintenant, éventuellement, dans les phrases, tu mets le fial avec le bon damir. الجملة الأولى الأولاد إلى الملعب ذهبوا نعم الأولاد ذهبوا إلى الملعب ils ont fait au terrain de jeu ملعب c'est un terrain de jeu un lieu de jeu donc là avec le mot جماعة ذهبوا ثانيا الطالبات إلى المدرسة ذهبنا نعم الطالبات ذهبنا إلى المدرسة les étudiants sont partis à l'école ثالثا المدرس إلى الفصل. المدرس ذهب إلى الفصل. نعم. المدرس. parti dans la classe. ça a été dans la classe. أنا إلى المطار. ذهبت إلى المطار. نعم. j'ai été à l'aéroport. مطار. c'est l'aéroport. et sans mettre مطار c'est la pluie. خامسا أختي إلى المطبخ. Non, ma soeur est partie à la cuisine, a été à la cuisine. Matbar, c'est, on l'a pris déjà auparavant, cuisine. Aina. Dahabta. Enta, non. Où as-tu été? Attendez, maintenant on regarde la phrase. El awladu zahabu ila al-mal'ab. Par rapport à ce qu'on a appris auparavant, dans le kitab Awel, un awledou, un tu'alib ali, a dit les jumla. Je veux que tu fasses l'ordre de cette phrase. Alors, un awled, mubtada, nam, dahabu, khabar, ila, hafjar, nam, mal'ab, majoun, ismajoun, nam, l'accent. Et également, puis l'aulet Zahabou, il faut préciser en disant que Zahab, c'est un fil mardi, et Waoul Jama, c'est le fa'il. Damir, c'est le fa'il. Et à quoi tu dis le jumla ism fi'liya, khabar min l'aulet. Taïeb. Rabihan, sahih al-jumal al-atiya. Il veut que tu corriges les phrases qui sont exposées. Là, il a mis un damir, à savoir, est-ce que ce damir est correct ou pas. مثلا يقول الجمله الاولى ذهبت الى المستشفى يا محمد دونك اسكو لا سي كوريكت كوم سي دي اسكو جي ايتي او ا لوبيتال او محمد ذهبت الى المستشفى يا محمد نعم ذهبت انت ا تشو ايتي او لوبيتال او محمد ويا سي كوا يا اوسي حرف النداء نداء ومحمد منادى منادى ثانيا امينه وفاطمه وزينب Raja'u min al-jami'a. Donc là, c'est comme si je te disais, Amina et Fatima et Zainab, ils sont revenus de l'université. Qu'est-ce que tu as fait ? Amina, Fatima, Zainab, Raja'na min al-jami'a. Non, Raja'na, ma nun niswa. J'ai bel damir, waou jama'a, il n'est pas bon, il faut mettre nun niswa. Waou jama'a, c'est pour muzakka. Zumala'i zahaba ila Mekka. C'est comme je disais, mes collègues, il a été à Mekka. Ou mes camarades. Non. Zumala'i zahabu ila Mekka. Non. Zumala'i zahabu ila Mekka. Mes camarades ont été à Mekka. Ana raja'ta min Riyad amsin. Comme je disais, moi, tu es revenu de Riyad hier. Je suis revenu de Riyad hier. Maryamu wa banatuha zahabat ila Jodda. C'est comme si disait Maryam et ses filles, elle a été à Jodda. Maryamu wa banatuha zahabna ila Jodda. Nam, zahabna. Maryam et ses filles ont été, c'est-à-dire elle, avec un S en français, à Jodda. Oumi qal ana marid. C'est comme si disait ma mère, il dit je suis malade. Oumi qalat ana marid. Nam. Marida. Ana marid. Il reste pareil celui-là. Nam. Ma mère a dit je suis malade. Ou peut-être, ouais, ana marida. Peut-être c'est la mère qui dit ça. Nam. Maintenant, le fi'l mardi, il faut savoir que lorsqu'il est sur une négation, bin nafi, quand tu veux, nier le, on va dire, le l'action, le nafi, tu le fais avec harf nafi, s'appelle ma. Taïeb, ma. Tu dis pas la zahabto, tu dis ma zahabto. Taïeb, fi'l mardi, tout le temps, c'est avec ma. Avec ma, la négation, on a lieu avec ma harf nafi. Par exemple, tu dis « eh, zahabta il mustashfa » t'as qu'il là « ma zahabtu il mustashfa » et non pas « la zahabtu il mustashfa » c'est-à-dire que ça c'est une erreur, faut pas dire « la », faut dire « ma ». Donc là, il veut que tu mettes ce « ma » dans les phrases qui suivent. Comme il dit « khamisan adib an asidatil atiya bin nafi mustamalan ma » donc réponds aux questions suivantes avec une négation en utilisant « ma ». Awalan, a zahabta il est maintenant sorti. Ams, as-tu été à l'école hier? La ma zahabtu ilayha. Il est? Ilayha nam. Donc non, je n'y ai pas été. Là, quand on dit la ma zahabtu, le la revient à quoi? Par rapport au hamza l'istifham. A zahabta la. Après, tu dis ma zahabtu. Fanyan. A raja'a abouka min Baghdad. Est-ce que ton père est revenu de Bagdad? La ma raja'a. Non. Non, il n'est pas revenu. A zahabat urtuka il al mustashfa. Est-ce que ta sœur a été à l'hôpital? La ma zahabat. Non. Non, elle n'a pas été. Taïb, regarde comme dans le texte, on avait pris quoi? Une formule de istifham. C'est limada. Pourquoi? Et le limaza, il a besoin d'une réponse. Et cette réponse, elle commence par quoi? Par li'anna. Tayeb li'anna. Awalen, fi li'anna. Savoir que le li là, c'est quoi? C'est harfu jar. Le même que ada li Muhammad. Ada li fulan. Tayeb, le lem là, c'est lem harfu jar. C'est le même que celui qu'on a pris en kitab awal. Fi l'milk. Au ta'lil ou ghayr zalika. Et en fait, c'est un assemblage entre le harf jar et anna. Et anna, comme on dit, min akhawat inna. Anna fait partie des sœurs de inna. Donc elle fait le même travail. C'est-à-dire que elle remonte sous le nom qui vient derrière, ism anna, et ce qu'on khabar, ce sera marfoua. Par exemple, tu dis, limaza. Ma, comment on est dans le texte, comme on est dans le nas, on va dire sur le texte, il a dit, limaza

ou on espère qu'ils sont en bonne santé, ou ça peut être le contraire, on craint, enfin non, je dirais plutôt la'alla Mohamed al-Marid, on craint qu'il soit malade, par exemple. On a appris également aujourd'hui Anna, c'est-à-dire Anna avec Harfja Li. La sainte cool. Limada. Limada. Mathalan. Jitta. Il est de Mej. Pourquoi tu n'es de Mej? T'as cool. Lianani. Ou Lidu. On a tout le bel ami. Parce que je veux étudier la science. Voyez, Lianani. Ou Lidu. En Atluba. Al-Ilma. Parce que je veux rechercher la science. Donc, pour une question avec l'imaza, tu réponds avec l'i'anna. Et après, en fonction de celui à qui on parle, tu vas utiliser le damir qui correspond. Damir mutasil. Ou ça peut être aussi un ism zahir, un nom apparent. Ça dépend de la phrase. En tout cas, le ism qui vient après anna, il est mansoub. C'est ism anna. Et il reste encore un parmi khawat inna, c'est laïta. Et il viendra plus tard, inshallah. سابعا اقرأ المثال ثم أجيب عن الأسئلة الآتية بنعم أو بلاء. Donc il dit lis les exemples suivants et répond aux questions en utilisant نعم c'est-à-dire oui ou بلاء si ou en effet. مثلا أذهبت إلى المدرسة أمس as-tu été à l'école aujourd'hui؟ نعم ذهبت oui j'ai été. أما ذهبت إلى المدرسة أمس n'as-tu pas été à l'école hier? Bela, zahabtu. Si, j'y ai été. Vous voyez, on avait dit quoi? Bela, quand est-ce qu'on l'emploie? Lorsque c'est une question. Vous voyez, qu'il y a une forme négative, mais dont on veut une affirmation. Vous voyez, Jouel Oula. Raja abouka min souqi. Est-ce que ton père est revenu du marché? Naam, Raja. Naam, oui, il est revenu. Ama, Raja abouka min souqi. Ton père n'est-il pas revenu du souk? Bela, Raja. Naam, si, il est revenu. ذهبت ليلى إلى الجامعة. Est-ce que ليلى a été à l'université? نعم ذهبت. نعم ذهبت. Oui, elle a été. أما ذهب أخوك إلى الرياض. Ton frère n'a-t-il pas été à Riyad? بلا ذهب. نعم بلا ذهب. طيب. Ce cours était court, Inch'Allah. On va s'en contenter. C'est l'occasion pour pouvoir mieux assimiler ce qui a été passé auparavant. Ça sera plus de temps. عندك سؤال؟ لا لا أما عندك سؤال؟ لا ما عندي سؤال نعم طيب أنا كل الأولى والحمد لله رب العالمين